Kalihu. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. La direction provinciale ayant en charge l'agriculture et élevage à Lumonge appelle la population à consommer de la viande saine. C'est après avoir découvert une vache en train d'être abattue alors qu'elle est atteinte de la tuberculose généralisée. Les cultivateurs de la plaine de Gihanga et Mhanda en province de Bubanza ont des doutes pour les récoltes de la saison culturelle B. Il y a eu retard dans le semis du maïs et du haricot à cause du soleil. Et puis le président burundais déclare qu'il y a des responsables des tribunaux qui utilisent les véhicules de service pour leurs fins. D'autres s'arrogent même le droit d'enlever les pièces pour ces véhicules. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti CNL a organisé ce dimanche un congrès et célébré ses 4 ans d'existence. Des représentants d'autres partis politiques, de même que ceux des corps diplomatiques et consulaires, dont l'ambassade des États-Unis au Burundi, ont répondu à ce rendez-vous. Le congrès continue. D'autres détails seront fournis dans nos éditions ultérieures. Des présidents des tribunaux utilisent les véhicules de service pour leurs fins et d'autres enlèvent les pièces de ces véhicules. Déclaration ce samedi du président burundais lors des échanges de vœux avec le ministère de la Justice. Lors des cérémonies, la ministre Domine Banyankimbona a en outre fait savoir que 41 magistrats ont été démis de leurs fonctions pour corruption. Et nous attendons... Le point, c'est avec Mireille Kanyang. Les réalisations du ministère de la Justice sont nombreuses, indique Domine Banyankimbona, patronne du dit ministère. Entre autres réalisations, figure la suspension de 41 magistrats de leurs fonctions accusés de corruption. Au cours de l'année 2022, 42 magistrats ont été démis de leurs fonctions à cause de la corruption. 15 autres ont été suspendus pendant 2 mois. Du côté des affaires pénitentiaires, cette fois-ci, 5 employés ont été démis pour comportement indigne. Bien que ces réalisations soient nombreuses, des défis n'ont pas manqué. Au cours de l'année dernière, c'est notamment le manque de véhicules pouvant faciliter l'exécution des jugements. Nous demandons également que le ministère de la Justice se soit doté de véhicules et autres matériels manquants pour que le ministère puisse bien accomplir sa mission pour l'objet de la population. Le nombre de véhicules nécessaires est déjà connu. Sur cette préoccupation, le président burundais a précisé que même si ces véhicules sont donnés, certains des magistrats les utilisent pour d'autres fins. Le numéro 1 burundais a rappelé que le procureur n'est pas un magistrat, mais plutôt un avocat de l'État et de la population. Nous disons donc merci à Mireille Kanyang pour ce reportage. La population de la province Lumonge est appelée à consommer de la viande saine et au boucher d'abattre les animaux dans des abattoirs reconnus et sécurisés, pouvant faciliter l'inspection des techniciens vétérinaires pour préserver la santé des consommateurs de viande. C'est du moins un appel de Jean-Marie Tchongera, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Lumonge, après qu'une vache en phase d'abattage à Gitaza ait été calcinée ce samedi, étant atteinte de tuberculose généralisée. Les précisions de Jean-Pierre Misago. Cette vache est calcinée, puis enterrée à Gitaza, commune Mouhouta, ce samedi matin, avait été achetée par les bouchers de Gitaza sous la colline Mouhouzou de la commune Lumonge, selon Jean-Marie Tchongera, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Lumonge. Cette vache n'a pas pu atteindre à pied à destination, mais a dû être embarquée à bord d'un véhicule jusqu'à Gitaza. Le grouillement des mouches sur la viande de cette bête abattue a interpellé l'attention du vétérinaire communal qui, après inspection, a découvert que la dite vache était atteinte de tuberculose généralisée. En collaboration avec l'administration locale, la viande de cette bête a été enterrée après être calcinée selon le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Rumonge. C'est suite à ce cas que Jean-Marie Tchongera appelle la population sous sa responsabilité de consommer la viande inspectée au boucher. Il leur demande d'abattre les bêtes dans des endroits bien connus et sécurisés pour permettre une inspection transparente et aux vétérinaires d'accomplir leurs tâches avec rigueur afin de préserver la santé humaine contre des maladies qui pourraient se transmettre de l'animal abattu et contaminé à l'homme. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Les cultivateurs de la plaine de Gihanga et Mana en province de Bubanza doutent des récoltes pour la saison culturelle B qui s'est annoncée avec beaucoup de soleil, qui a par conséquent tardé le semis du maïs et du haricot. Certains ont même laissé de labourer. À la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage à Bubanza, on tranquillise, expliquant que les cultivateurs peuvent encore planter jusqu'au 20 de ce mois et que les pluies peuvent durer jusqu'à fin mai. L'élément sonore de Space Caritas et Kabanyana, notre correspondant à Bubanza, n'est pas prêt. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et c'est donc la fin de ce journal. Mais très rapidement, je vous en rappelle les titres avant de nous dire au revoir. La direction provinciale ayant en charge de l'agriculture et élevage à Rumonge appelle la population à consommer de la viande saine. Vous venez de l'entendre. C'est après avoir découvert une vache en train d'être abattue alors qu'elle est atteinte de la tuberculose généralisée. Les cultivateurs de la plaine de Gihanga et Mana ont des doutes pour les récoltes de la saison culturelle B. Il y a eu retard en effet dans le semis du maïs et du haricot à cause du soleil. Et puis, vous l'avez entendu, le président burundais déclare qu'il y a des responsables des tribunaux qui utilisent les véhicules de service pour leurs fins. D'autres s'arrogent même le droit d'enlever les pièces pour ces véhicules. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndoyo pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée dominicale à tous. Au revoir. Léonce Bitariho.